On est très content d'avoir Maxime Crépeau des Wildcats de Vancouver, l'ancien de l'Impact de Montréal. Question un peu, et on devait faire l'entrevue avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com. Benoît Lavoie, notre collaborateur, est retenu. Donc, on est capable quand même de faire l'entrevue. On rejoint Vancouver Maxime Crépeau. Salut Maxime. Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Maxime, première question, comment ça va ton début de saison à Vancouver? Oui, ben c'est sûr et certain que sur les côtés résultats, on n'est pas satisfait. 4 matchs, 3 défaites, 1 nul. Donc, pour être franc avec toi, il n'y a aucune équipe dans la Ligue qui soit satisfait avec ce début de saison. Mais on est sur la bonne voie, on travaille bien, puis on s'améliore de week-end en week-end. Les Wildcats sont allés chercher quand même plusieurs nouveaux joueurs. Hein. Ça prend un certain temps, j'imagine, avant de cimenter le groupe. Oui, exactement. Une semaine avant le début de championnat, on n'avait pas encore tous nos éléments, tous nos gars. Donc, pour être avec toi, c'est sûr et certain que ça prend un petit peu de temps avoir les automatismes sur le terrain, puis que chaque joueur se sent confortable à côté des uns et des autres. Donc, c'est un processus, puis on lâche pas, on continue à travailler à chaque jour. Puis on l'a vu ce week-end contre Seattle. OK. L'Ouest est forte, hein? Tu joues dans une division quand même assez forte aussi, là. Une conférence très, très forte, très relevée. Puis ça, c'est dur aussi, là. Ouais, c'est sûr, c'est certain que l'Ouest c'est une bonne division. Pour être franc avec toi, les cours des dernières années, l'Ouest est extrêmement forte. Puis c'est un championnat de la MLS avec beaucoup de parité. Donc, pour être très franc, c'est une ligue où tu peux aller jouer, comme tu peux aller gagner, comme tu peux aller perdre. T'as beau jouer les derniers, t'as beau jouer les premiers, ben tu sais pas de quel côté ça va aller. OK. Ta relation avec Marc De Santos, comment elle est, j'imagine qu'elle doit être bonne, parce que Marc De Santos a quelque part venu te chercher. Donc, quand on se sent désiré, ça doit aider beaucoup aussi, là. Oui, c'est sûr. Le staff est francophone. Le staff, je le connais. Donc, je le connais très bien. Quand j'avais 15-16 ans, j'ai commencé à travailler avec eux. Donc, c'est sûr et certain que ça facilite mon arrivée ici à Vancouver. Mais pour être franc avec toi, tout se déroule très bien. On a une bonne communication, donc je suis très heureux. OK. Marc, est-ce que le public de soccer, comparé à celui du Québec, comparé à celui de l'Impact, est-ce qu'il est différent? Est-ce que c'est un public plus connaisseur, plus fan? C'est quoi la différence à peu près, la foule, je te parle? Est-ce que les gens à Vancouver... Oh. Est-ce que les gens à Vancouver parlent des Wildcats dans les médias? Je sais que les matchs sont retransmis. Les Wildcats sont présents vers les médias. Ils sont très présents vers les médias. On est à la radio, à la télévision. On est bien suivis. Je pense qu'à Montréal, il y a peu de... Les gens sont très, très, très... passionnés, disons-le okay. Comme ça, ils sont très passionnés, ils sont très impliqués, il y a peu de vraiment gens connaisseurs, mais beaucoup qui aiment le ballon rond. Ici, je pense que les gens, ils sont juste, ils sont patients, ils connaissent un peu mieux leur foot, mais je pense que des deux côtés, les fans, ils sont très passionnés et très involved, comme on dit. Pour ton cheminement de carrière, c'était le mot à faire aussi. Parce que, écoute, c'est dur d'être derrière Evan Bush. Je veux dire, c'est dur de justifier face à un des meilleurs gardiens de but de la Ligue. Franchement, moi, ça fait longtemps que j'avais tourné la page. Okay. J'avais demandé un échange il y a 2 ans de ça avant que j'aille à Ottawa. Donc, je savais que mon chemin avec Montréal était terminé. Puis j'avais tourné la page, j'étais prêt à un nouveau défi. Et puis ma saison à Ottawa m'a fait grandir, m'a aidé énormément. Et cette année, je suis ici à Vancouver. Puis très, très heureux de ce move-là. OK. Dis-moi, est-ce que ta sélection avec l'équipe nationale, on sent que le vent, tranquillement, pas vite, commence à virer de bord. Avec, tu sais, le Canada est de moins en moins, je pense, une risée. Est-ce que je me trompe en disant ça? Je recule à 2-3 ans, là. Non, c'est très juste. C'est très juste avec notre nouveau coach, nouveau staff Canada. On est pris plus au sérieux, puis avec raison, parce qu'on est une meilleure équipe. On a une nouvelle génération de jeunes joueurs qui arrivent. On a des bons vétérans, on a des bons gars de entre 23 et 28 ans, donc des gens qui lient la nouvelle génération aux vétérans. Donc franchement, on a une très bonne équipe. Puis avec les résultats qu'on a eu la dernière année, on est une équipe à prendre plus au sérieux, c'est sûr et certain. OK. Ben Maxime, félicitations encore une fois. Des gros merci d'avoir collaboré avec moi. J'ai plus de facilité avec les joueurs des Wildcats qu'avec l'Impact. Je remercierai Nathan de ma part en passant. Et on est plus ouvert du côté des Wildcats. Parfait. Ben merci beaucoup. Puis je vais faire le message. J'ai pas de problème. Passe une bonne fin de journée. Maxime Crépeau des Wildcats de Vancouver.